أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذن النبي عليه الصلاة والسلام قال: تركت فيكم شيئين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا من بعد أبدا، كتاب الله وسنة نبيه. إذن والرسول عليه الصلاة والسلام قال: عليكم الجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. فمن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، يعني جماعة المسلمين، لأن جماعة المسلمين تبقى على حق، لأن الرسول قال: لا تجتمع أمتي على الضلالة. يعني وإن يضل بعض الناس لكن جمهور يبقوا على هذا الطريق، وإن يعني ينقصهم في الأعمال، كثير الناس ينقصهم في الأعمال لكن عقيدتهم واحدة، عقيدة النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة الكرام. فنحن علينا نتبع هذا. فينتبه الإنسان، يعني أنه تشويش يكثر، الناس يألفوا كتب فيها تشويش على الدين وبرامج، فتجد ناس يعني قاه يعني في متاهات. بعض الناس يقول لك يعني ينكرون الأحاديث جملة، نحن نتبع القرآن ولا حديث، ولكن حديث بالتفصيل، يعني فما حديث صحيحة حديث ضعيفة كذا، العلماء يأخذ هذا بالسند. أما لا يجوز نقول ننكر أحاديث جملة كما بعض الفرق طلعت بهذه الأفكار. كذلك لا يجوز إنسان يقرأ هكذا لوحده، الناس يقرأوا في البخاري ويضيعون. العلم بالتعلم ضيع، كما مثال واحد يعرف شوية يسبح، مزال يتعلم يسبح، هل يمشي في طول في وسط البحر غريق؟ لا، يضيع، يبدأ بس شيئا فشيئا، تمشي البخاري يضيع وحدك. بعض الناس تقرأ أشياء لا تليق بالأنبياء، يعني يفهمونها، يعني هم يفهمونها بغلط. بعض الناس قرأوا في البخاري ففهموا مثال أنه الرسول أراد أن ينتحر، وهذا لا يليق بالأنبياء، لا يليق بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام، الانتحار كبيرة، لا يليق بالأنبياء أنه يريد أن ينتحر. فالذي ورد في الحديث أنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد يعني أن يرمي بنفسه من فوق الجبل، ولكن مع اعتقاد أنه لا ينضر. هذا ورد في الحديث أن الرسول قطع عليه الوحي فاشتاق للوحي فصعد فأراد أن يرمي بنفسه من فوق الجبل مع اعتقاد أنه لا ينضر، مع اعتقادي أنه لا ينضر. مثل حصل خالد، أعطينا مثال هذا المرة، خالد بن الوليد مثال، في حرب هيك كان، قالوا يريد الكفار أن يكيدوا لك، فقد هاتوا السم، قالوا يريد أن يعطيك السم، قال هات. سيدنا خالد ما هوش نبي، أقل من أبي بكر الصديق، ولكن صالح، قال: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، شرب السم. هل أراد أن ينتحر؟ لا، خاطر يعرف عنده أسرار. هاك خالد بن الوليد ما قلتلوش، ما كان يروح ليه قلت له. فلا علاش؟ خاطر هو من الصالحين، مش كيما من الصالحين كيما سر. فشرب مع اعتقاد أنه عنده سر. إذا كان هذا في خالد فما بالك في الرسول. ويحصل هذا لبعض الصالحين يدخل في النار وكذا، هذا معروف، وهذا حصل عدة مرات وقت الحرب التتار ضد المسلمين، المسلمين دخلوا في النار متحرقوش وشافوا انبهتوا التتار. هذا ليس الانتحار، ما عنده سر، فمن ذلك الأنبياء. فالذي حصل في الحديث أن الرسول تعالى صعد في أعلى الجبل وأراد أن يرمي بنفسه باعتقاد أنه لا ينظر، باعتقاد أنه لا ينظر وليس الانتحار. وهذا نفس الشيء اللي حصل مع سيدنا يونس عندما أراد أن يرمي بنفسه في البحر باعتقاد أن الله يحفظه، باعتقاد أن الله يحفظه. هذا هو. فإذا إنسان يقرأ وحده يعتقد أشياء مخالفة، يظهر كما إنسان، هل إنسان يقرأ الكتب ويمشي يعمل عملية جراحية؟ يقتل الناس. هذا إنسان تو يمشي يقرأ كتب الطب موجودة ويشوف حتى عملية بالفيديو، هل يمشي يعمل عملية ويداوي الناس؟ لا. الدين أهم وأعلى، ولا الآخرة خير لك من الأولى. يعني الدين خاصه ثقات، مش تقرأ الكتاب وتعتقد أي شيء. دونك on a expliqué le prophète عليه الصلاة والسلام il a incité à suivre la majorité, ce qu'on appelle la voie sunnite, et de ne pas suivre les gens déviés. Et le verset aussi qui nous montre que la communauté, la majorité, c'est-à-dire l'unanimité des musulmans, c'est-à-dire des grands, des savants, mujtahid, c'est la voie à suivre. C'est ça la voie à suivre, ne pas suivre les gens qui dévient, qui suivent des passions. Alors, donc il est connu que le prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que ma communauté ne se réunit pas sur un égarement. Même s'il y a quelques-uns qui s'égarent, mais la majorité reste. Ce qu'on appelle la voie sunnite, la voie des quatre écoles. On va en Indonésie, en Malaisie, en Inde, en Chine, en Chem, etc. Il a dit la voie le groupe des musulmans ou le groupe des sunnites? Non, on a dit la majorité, c'est ce qui est connu, ce qu'on appelle le groupe des sunnites. C'est ça. Il a dit la tajtami ummati ala dalala. C'est-à-dire, ma communauté ne se réunit pas sur un égarement. Et donc. Mais en fait, en arabe, bien sûr, là, les savants de l'islam, ils ont utilisé des termes. Comme, par exemple, le hadith sahih, il ne disait pas sahih, le prophète. Il ne disait pas Hassan, à l'époque du prophète, il ne disait pas ça. C'était mis en place par les grands savants de l'islam, parce que le prophète, il a dit, les savants sont les héritiers des prophètes. Et donc, les savants, bien sûr, ils ne l'ont pas inventé, parce que les savants, ils ont une chaîne. C'est que les savants, comme Chef et Malik, ils ont appris d'un tel, qui a appris d'un compagnon, qui a appris du prophète. C'est comme ça. Donc, c'est comme ça qu'ils sont devenus savants. Donc, ces savants-là, ils maîtrisent la langue, et les utilisations des mots dans la langue, ils maîtrisent les hadiths, comme Chef et Malik maîtrisent les hadiths. Bukhari, il employait le terme sahih. Est-ce que quelqu'un va dire, ah, d'où il a ramené sahih, le Bukhari, le prophète n'a pas dit sahih? C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est prétentieux, qui prétend qu'il ne connaît pas. Et c'est là, ça vient de secte, justement, notre sujet. C'est là, les sectes, c'est les gens qui disent, non, mais moi, je connais plus. Moi, non, je ne suis pas d'accord avec ça. Et donc, il contredit l'unanimité de ces grands savants-là. Chef, Imel, Abu Hanifa, tous, ils étaient d'accord sur ces termes-là. Donc, en arabe, sunna, ça veut dire voix, tout simplement. Donc, comme dans n'importe quelle langue, on peut employer des synonymes. C'est pas interdit dans la religion d'employer des synonymes pour désigner des réalités. Donc en tout cas, c'est les savants qui ont employé ces termes-là. Là, on dit les sunnites. Sunna en arabe, c'est voix. Parce que le prophète, il l'a dit dans un hadith, il dit "Man raghiba an sunnati fa laysa min ummati." Ana alladhi kariha shari'ati hadha laysa muslim. Celui qui n'aime pas ma sunna, c'est-à-dire ma voix, il n'est pas musulman. Il n'aime pas la voix du prophète, il n'est pas musulman. Donc, sunna, c'est la voix. Donc, il y a des gens, malheureusement, ils contredisent sans règle, C'est là l'extrémisme ou le laxisme. Alors qu'il y a des règles du juste milieu, c'est-à-dire des règles qui suivent la religion. Suivre ces règles-là sans exagérer et sans laxisme. C'est comme dire quoi sans dépasser les règles de la religion. Le prophète, alayhi salatu wassalam, par exemple, un exemple, il y avait un compagnon, il a dit, le prophète il a enseigné, Rabbana wa lakal hamd. Sami'a Allahu liman hamida, Rabbana wa lakal hamd. Un compagnon qui prie derrière le prophète, il dit, Sami'a Rabbana wa lakal hamd, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Il a dit, qui a parlé? Il a dit, c'est moi. Il a dit, j'ai vu une trentaine d'anges qui se précipitaient, qui l'écrirait le premier? Donc le prophète n'a pas dit, ah non, pourquoi t'as pas, il faut dire exactement comme j'ai dit, c'est tout. Donc comme ça ne contredit pas, il ne lui a pas interdit, au contraire, il lui a montré que c'est un bien. Par contre, celui qui n'a pas fait la prière correctement, il lui a dit, va faire la prière, tu n'as pas fait la prière. Parce qu'il a contredit les piliers de base. Alors que celui qui ne l'a pas contredit, mais il a rajouté des choses qui ne contredisent pas à l'origine, il ne lui a pas interdit. Donc les sectes, alors, ils vont interdire, c'est là les sectes, ils vont interdire ce que le prophète n'a pas interdit, ou ils vont rendre permis ce que le prophète il a donc interdit. Et c'est là, c'est qu'ils vont parler sans preuve. La preuve, ça vient de quoi? Du Coran, du Hadith, et bien sûr, l'unanimité, c'est une preuve, comme cela est compris du Coran. Et bien sûr, tout ce qui est dans la religion ne contredit pas la raison, comme Allah dit dans le Coran, « وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعَقِلُوا مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيدِ » Ils ont dit, si nous avions écouté ou raisonné, nous n'aurions pas fait partie des gens de l'enfer. Dans la grande mosquée de Zaytoun, Al-Qaraouin, en Algérie, jusqu'à maintenant d'ailleurs, mais plus avant, ils enseignaient « Matn ibn Ajar ». Matn ibn Ajar, c'est connu. Donc depuis plus de 100 ans, il enseignait. Qu'est-ce qu'il y a dans Matn ibn Ajar? Il dit « في عقد الأشعري وفقه مالكي وطريقة الجنيد السالكي. Ça c'est Qaraouin qui a des siècles, Zaytoun qui a des siècles, l'Algérie, les grands cheikhs du sud, etc. Des siècles. Il dit في عقد الأشعري وفقه مالكي وطريقة الجنيد السالكي. Il dit dans la voie, donc dans la croyance Ash'ari, dans la fiqh maliki et dans la voie de Al-Junayd. Il explique quoi dans le début du livre? Le jugement rationnel. Après, il explique les attributs de Dieu, les attributs des prophètes, la prière, le jeûne, etc. Ça, c'est connu. Alors, il y a des sectes, c'est vrai, notamment le wahhabisme, ou les chiites, mais ça reste des minorités. Ça reste des minorités. Ils jouent sur les gens faibles d'esprit qui n'ont pas de preuves religieuses, qui n'ont pas une base, une culture musulmane. Pour eux, un petit groupe, voilà, il va savoir, soi-disant, plus que les millions de musulmans de l'Indonésie, de la Malaisie, de le Maghreb, etc., etc. Bien sûr, c'est du coup, le cœur, il ferme le cœur. À l'époque du prophète, il y a des gens, donc, Dieu a fermé leur cœur, ils n'ont pas compris. Alors que, bien sûr, la voix du prophète, elle a des preuves. Allah dit dans le Coran, « قُلْ هَذِهِ سَبِيلِ أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا مُنَ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مُشْرِكٌ عَلَى بَصِيرَةٍ » C'est-à-dire, il y a une preuve que la voie sunnite, c'est la voie correcte. Déjà sur la croyance, qui est la seule croyance valable, la croyance des musulmans. Inna ad-din 'inda Allah al-Islam. L'islam est la unique religion valable, conforme à la raison. Juste sur ça, on va savoir que c'est la voie sunnite, déjà en commençant par la croyance. Parce que souvent les sectes, ils contredisent sur les bases de la croyance. Tout comme les autres religions, ils contredisent sur les bases de la croyance. L'islam, c'est la croyance et est conforme à la raison. Donc la voie sunnite, voilà, elle a des preuves qu'il faut suivre. Celui qui les suit, il est gagnant. Celui qui ne les suit pas, il est perdant. Et c'est Dieu qui guide, bien évidemment. Walhamdulillah Rabbil Alameen, sallallahu ala Muhammad Tahir Amin, ana wa rizqna amin nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifa'an kulli da' subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamu ala mursalin, walhamdulillahi Rabbil Alameen.